Voilà, revoilà le soleil qui s'est caché par la pluie. Soleil, oh soleil, reviendra après la pluie. Voilà, nous revoilà pareil à hier en plein incendie, en pleine lumière, revenue dans son sens à la nuit. C'est pour ça qu'on veut chanter aussi. C'est au C-bas. La la la la la. La la la la la. C'est comme ça qu'on veut chanter aussi. C'est au C-bas. Mais c'est où? Suivons les enfants du soleil. C'est pour ça qu'on veut chanter aussi. C'est au C-bas.